rappeurs sont des terres vénères, prennent le mic pour bon ça. Exclusivité MC Braco point skyrock.com. Les rappeurs sont des terres vénères, prennent le mic en fausse terre, balancent des rimes au taquet et veulent tous se plaire, écrivent des faces en lasse, se servent du mic comme un schlasse, se lancent des pics dans les morceaux sans même le dire de place. Hey cousin, le rap c'est qu'une musique, histoire de mettre du son dans les covas, dans les usines. Y'a de la technique du niveau, du flow dans mon œuf the doux. Le peur a vient de la rue, voilà pourquoi il pue les égouts. Trop souvent dégoûté, il veut se faire écouter. Maintenant y'a que les thunes avant, il s'en fout. Et persévère, t'inquiète, bientôt ils verront. C'est plus le bilan qui a la mode, maintenant c'est devenu l'héros. C'est pire en euros, Inch'Allah bientôt ils paieront. L'État nous la mise rien qu'avec ses racketeurs d'impôts. C'est pour les cassos, avance dans la vie à leur sauce. Roulant gamos accompagné d'une putain de bastos. Aïe! MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe! Passe le salam à mes rivaux. À mes rivaux, mec! MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe! Passe le salam à mes rivaux. Tu sais, le rap c'est comme les putes, ils changent de rappeur tous les jours. Quand une instru débarque, elle aime bien se faire faire l'amour. Toujours la tête dure, il aime pas les critiques. Stiglige lui-même pour être en famille. Le jour de la Eid, la concierge devient folle. Les voisins en ont ras le bol. Hassoul, si t'habites à côté d'une boîte, cousin, t'as pas de bol. Oh, et baisse la musique là. C'est lui la cause de tous les clashs. J'passe, passe, passe mon tour, le rap c'est que du cash. J'dédicace à tous les frères qui rêvent de percer. Au ballon, au micro, élimine les jaloux qui viennent jacter. C'est pour les indés qui rêvent un jour d'être blindés. Depuis tout gosse ont toujours le respect pour les grands du quartier. 9 de 220 et n'oublie jamais d'où tu viens cousin. Quartier perdant, je représente des petits hauts anciens. Tellement la dalle que le rap a pris place dans mon estomac. Je peux faire du rap conscient, hey, comme du rap dans le coma. Le son fait trop mal, comme dit l'autre il est trop sale. Serre-toi un verre et bois à la santé de mes cordes vocales. C'est le son qui fait kiffer les fous et les nymphomanes. Et je viens croquer la vie en pleine face comme un Doberman. Aïe. MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe! Passe le salam à mes rivaux. À mes rivaux, mec. MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe! Passe le salam à mes rivaux. Monte le volume et fais chanter les enceintes. Les enceintes. Mec du bitume. De Paname ou de province. Cousin, mets-toi bien. Et les Ray-Ban. Et les Ray-Ban, mec. Accélère la cheval. Ha. En T-Max ou en Pureman. 92. MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe. Passe le salam à mes rivaux. MC Braco, balance des rimes et du flow. Balance des rimes et du flow. MC Braco, aïe. Passe le salam à mes rivaux. Chacun son délire, j'ai poussé, personne n'a mené les filles. Et moi je peux toujours m'écouter pour un délire. Chacun son délire, j'ai poussé, personne n'a mené les filles. Et moi je peux toujours m'écouter pour un délire. Trop tête pour être gardé, trop tête.